Le son numéro 1. Yeah. Voudriez quoi? Hein? Voudriez quoi? Yeah. Bande de rapaces. Voudrais me la faire à l'envers alors que ces arbres qui se cassent derrière le décor. J'en ai marre des masses d'art soldats qui se cassent derrière le décor. Décoré par quelques fleurs marquées par toutes ces balles que les effleurs décorées en guise de bouquet final ne suffiront pas à se libérer de leur peur. Voudrais la paix, mais pour combien de corps qui viendront roupir après? À deux doigts te faire péter comme ma grenade que je viens découper à scène. Des scènes de crime plus atroces que la mort du chanteur d'assez des scènes. Me dites pas que vous n'étiez pas au courant du nombre de tous ces décès. Vous aviez dû les compter quand les montagnes de cadavres prenaient encore fort. Voudriez tous me copier, mais vos copies ne seront jamais conformes. Il vous faudra bien plus qu'une multitude des bêtes féroces pour détrôner l'ogre. Vous n'exécuterez ni nos proches, ni nos protocoles. Vous n'aurez pas donné l'ordre. Pardonnez l'homme et ses erreurs aussi nombreuses que mes multisyllabiques leçons. Tu chiales tandis que je te chie à la pousse, mais c'est de ma faute si tu subis la fin de sang. Numéro bis, ouais. Ne vous assiez pas sur ceux qui nous protègent. À bras à court six, sur ma planète, on m'a appris comment embrasser le monde. À bras à corser. Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Vous voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Voudriez me la mettre profond alors que j'suis déjà dans les abysses. J'suis pas tombé ni nu, j'suis très bien que vos femmes c'est des abysses. Juste pour vous de plus grand plaisir des yeux, messieurs. Vous contemplez les cieux tandis que je vous contemple depuis les cieux. Mes rimes s'entremêlent, centre de mal, centre de mots. Vous captez que je suis plus à la mode qu'un type qui sort de centre de mots. Moi et moi, on est plus fusionnel que Kappa et j'en jache. Les gens passent, peut-être des pièges en masse et puis j'en passe. J'ai la pièce maîtresse qui vient tout juste de perdre les siennes. Ravensburger, je t'assure que le passé de chacun est plus lourd qu'un gros qui graille son burger. L'être humain est en voie d'extinction, c'est comme le tigre de Sibérie. La seule différence, c'est que je me contrefiche si l'être humain périt. J'ai le micro dans la pomme et je n'aurai jamais le cœur sur l'autre. Vous voudriez me faire marcher, mais ça marche dans un sens et puis dans l'autre. Vous voudriez que je vous pardonne, mais est-ce déjà vu l'un de mes proches me prier? Vous voudriez me faire frier, mais avez-vous déjà entendu l'autre crier? Hein? Avez-vous déjà entendu l'autre crier? Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Voudriez quoi? Vous passez votre temps à vous marrer, mais vous riez de quoi? Hein? Vous riez de quoi? Bande de rapaces, le combat dans l'œil.